Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8ème épisode du Costin Critique. Aujourd'hui, on analyse une fiction tellement lourde qu'elle va nous faire des acouphènes. C'est parti! Zap est une série audio créée été 2019 dans le cadre du concours de la saga de l'été par Oriog Création. Tiens, un groupe dont on n'a pas encore parlé dans ce podcast. Bah, eh bien c'est parti! Oriog est une association créée en novembre 2019 par Ran Madsen, visant premièrement à créer la saga de Ran, l'ombre en pause à l'heure où je parle. Ce collectif se fait surtout connaître en 2016 durant le concours de la saga de l'été, où leur saga Out of Control remporte le prix du meilleur scénar. La particularité de ce groupe, c'est qu'ils regroupent leurs sagas en mêmes univers. On a pour exemple Israd qui regroupe 6 sagas, toutes liées entre elles d'une manière ou d'une autre. Zap en fait partie de plus. On peut aussi souligner que dans leur saga, Oriog essaye de mettre en scène des personnages de la communauté LGBT. J'ai pu assister à une conférence de Ran et Tammy sur le sujet. Retournons à la saga. Zap est donc une saga d'Oriog Création en found footage, j'en reparle plus tard dans la critique, allant de l'horreur à l'ASF. L'histoire met en scène un homme qui, après avoir entendu régulièrement un bruit désagréable, décide de prendre un enregistreur pour l'utiliser comme journal de bord. On suit donc cet homme dans sa descente aux enfers ponctuée d'éléments d'enquête qui nous mènera petit à petit vers le responsable de ses malheurs. Avez-vous vu The Blair Witch Project? Non? Eh bien laissez-moi vous parler du found footage. Le found footage est une technique de cinéma, laissant croire que les événements se passant dans le film est filmé par un personnage, généralement en caméra d'épaule. Ce genre, généralement associé à l'horreur, voit une explosion à la sortie du film que j'ai cité tout à l'heure, avec Rec, Paranormal Activity, bref. Mais qu'en est-il de la série audio? Si au cinéma l'élément principal de la technique du film vient de la caméra, alors en série audio ce sera indubitablement l'enregistreur. Il faut donc faire croire à l'auditeur que toute l'action vient du même point de vue en fin d'écoute. Oriog n'invente rien, cela a déjà fait par Javras avec le mono Norma ou le vaisseau de François TJP. Mais là où Oriog tire sa carte du lot, c'est dans deux points, le jeu et le montage d'ambiance. Tout d'abord, le jeu d'acteur. Dans le rôle principal, nous avons Tammy. Étant donné le genre de la fiction, c'est lui qui prend le plus de temps de parole. Après une première écoute, on ne voit pas vraiment de différence d'un autre found footage, mais il y a quelque chose de plus clair, de plus naturel dans le jeu. Quelque chose qui change tout dans ce genre, passant d'un format facile à quelque chose de plus doux. J'ai d'ailleurs pu converser avec Tammy sur Discord, et je lui ai demandé si les monologues du personnage principal étaient bien de l'improvisation. Ce qui change absolument tout dans l'appréhension du jeu d'acteur. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que Tammy a reçu le prix du meilleur acteur. Il m'a laissé accéder aux notes qu'il utilisait durant les enregistrements, et c'est bluffant ce qu'il a réussi à broder tout au long des épisodes. Et bien sûr, cette improvisation donne un air plus humain au personnage, ce qui peut être un immense défaut dans la SF. Maintenant, l'ambiance. Le mixage est fait par Ran Madsen. La première chose qu'on puisse dire, c'est que dans Zap, le mixage est très incisif, à terrisser les poils, avec des sons rapides qui coupent Tammy, donnant un contraste voix-ambiance très rugueux. Un peu comme dans Skyzen, on a souvent le souffle coupé, les muscles tendus, surtout dans de bonnes conditions d'écoute, allongés dans le noir, avec pour seule protection votre couverture. De simples effets de voix vous feront sursauter, tant la précision de l'ambiance est surprenante. Un passage qui illustre bien ce que je viens de dire, c'est l'apparition de la voix de Johnny Pigeon dans le monologue du personnage principal dans l'épisode 7, qui est foutrement bien réalisé. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce 8ème épisode jusqu'au bout. Je vous invite à aller me suivre sur mes différents réseaux, à vous abonner et laissez-moi un avis dans les commentaires. Je vous fais des bisous et vous dis à la prochaine !